Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Florence, en Italie, est une ville sublime. C'est un plaisir de s'y perdre. En même temps, on ne s'y perd jamais vraiment à Florence. La Via Nazionale, c'est tout droit. Il suffit de la suivre. Le Dôme de Florence, le Palazzo Vecchio, et puis la Galerie des Offices, et puis la Galerie de l'Académie. Tant et tant de merveilles. Et partout, il y a ciboules. Oui, ciboules partout à Florence. Ce sont les armes des Médicis, le blason, quoi. D'or à ciboules mises en orle, 5 de gueule, rouge, et celle en chef d'azur chargée de 3 fleurs de lys d'or. Et oui, des fleurs de lys, hein, de reines de France, sont des Médicis. À travers leurs armes, les Médicis sont partout à Florence. Mais la question se pose, qu'est-ce que signifient ces boules? Qu'est-ce que signifie ce symbole? Qu'est-ce que signifie cette omniprésence dans Florence? Est-ce de l'art ou du pouvoir? Toute la semaine dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à l'exercice du pouvoir, une histoire de l'exercice du pouvoir gouverné par les arts, gouverné par la peur, gouverné par la science. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast et la balade de diffusion. Des émissions à commenter sur le groupe Facebook du cours de l'histoire. Et aujourd'hui, nous sommes à Florence. Nous sommes à Florence avec les Médicis, avec vous, Antonella Fenech-Croc. Bonjour. Ah, bonjour. Vous êtes historienne de l'art, chargée de recherche au CNRS, et vous êtes l'autrice de Giorgio Vasari, La fabrique de l'allégorie. Vous êtes également l'autrice de Histoire de Florence par la peinture, de Frise peinte, le décor des villas et palais du Cinquecento. Tous ces ouvrages nous amènent tout de suite à un moment très particulier, celui du 15e siècle, 16e siècle, ce qu'on appelle la Renaissance. Antonella Fenech-Croc, Renaissance, on peut préciser le terme. Aujourd'hui, il y a d'autres utilisations, d'autres expressions qui couvrent cette période. Bien sûr, moi je préfère tout d'abord merci cette invitation. Et ça me ravit de revenir à Florence, de Paris. je préfère utiliser à la place de Renaissance, qui est un terme qui, on va dire, est un peu connoté. Et ça, et il y a une sorte de mythe d'un changement radical. Moi, je suis plutôt pour les continuités, pour ce qui reste, se métamorphose, se transforme dans un sorte de fil rouge qui arrive jusqu'à nous. Et donc, je parle de préférence de première modernité, ce qui me permet d'aller un peu plus bas, un peu plus haut dans la chronologie. Voilà. Oui, c'est intéressant toujours de regarder le avant, le Absolument. Après. C'est nécessaire. Donc, c'est cette première modernité qui nous intéresse. Cette première modernité, donc la Renaissance florentine, avec une famille. C'est un peu eux que nous voyons sans cesse à Florence, ce que nous avons appelé le cas Médicis. Et j'évoquais ces armes de Florence que nous voyons quand nous nous promenons dans la ville. Ce sont ces 6 boules. Ah, donc il y en a 5 rouges et puis il y a celle qui est tout en haut, bleue, avec les fleurs de lys. Au début, il n'y avait pas les fleurs de lys. Non. Et non, parce qu'il a fallu attendre les mariages royaux avec les rois de France. C'est omniprésent à Florence, il faut bien le souligner. On peut le dire tout de suite, il y a une véritable politique d'occupation de l'espace par les Médicis. C'est de l'appropriation et de la visibilité. C'est une marque que l'on retrouve partout dans la ville et qui signe justement ce pouvoir sous la ville qui devient une capitale au XVIe siècle, d'un règne puissant. Et c'est ça dont on essaiera de parler aujourd'hui aussi. C'est l'un des premiers états d'ancien régime, dans le concept d'état d'ancien régime. C'est-à-dire un état structuré, avec une administration centralisée. Et ce qui n'était pas le cas auparavant, parce que comme le disait Machiavel, Florence, à l'époque de la Seigneurie, était un état sans territoire. C'est-à-dire, c'était pas un état. Et donc, à partir du tout début du XVIe siècle, en fait, on voit un mouvement où l'on voit vraiment le mécanisme de la création d'un état qui est un état administrativement centralisé, unifié d'un point de vue du territoire, selon des critères un peu légendaires, c'est-à-dire retrouver les territoires qui étaient ceux des Étrusques, Donc, qui correspond à l'actuelle Toscane, tant bien que mal. Voilà, et puis avec les Médicis, évidemment, nous avons la focalisation sur quelques personnages, et notamment Laurent le Magnifique. Mais l'histoire des Médicis est une histoire qui s'écrit sur quelques siècles. Et ce mouvement-là est intéressant, vous l'avez évoqué, Antonella Fenech-Croc, c'est qu'il y a la mise en place d'un État. Mais avant la mise en place de cet État, il y a autre chose. D'où viennent les Médicis? Ce sont des banquiers. C'est des banquiers, c'est des hommes de finance qui ont un pouvoir certain. On va dire le premier de la dynastie Giovanni di Bicci. Et évidemment, au cours du 15e siècle, des personnages extrêmement importants, comme l'ancien Laurent le Médicis, ont un rôle prédominant dans la ville, et on dit de comme l'ancien, qu'il administre, gouvernait, pour utiliser le terme de ces rendez-vous de l'histoire, selon le gouvernement occulte. Il n'avait pas un rôle dans l'institution, ou de manière indirecte, mais il gérait les affaires de la ville aussi d'un point de vue financier, et d'un point de vue d'un réseau clientéliste, d'une certaine manière. Voilà, parce que c'est du réseau. Pour simplifier, il faut dire que à ce moment-là, nous sommes au 15e siècle, hein, Florence est une république. C'est une république, et donc les deux personnages que vous avez cités, Antonella Fenech-Croc, comme l'ancien et Laurent de Médicis, sont des gens importants, mais dans une république. En réalité, ils arrivent à s'imposer, ils arrivent à imposer leur pouvoir, et notamment en utilisant les arts. Comme l'ancien est un personnage drôlement intéressant, il a utilisé les arts, il a fait œuvre de mécénat énormément. Quelque chose m'a intrigué en travaillant et en préparant cette émission. Est-ce que son goût personnel avait un intérêt? Nous sentons que par rapport à ses contemporains, il développe un vrai goût pour l'art. Il a quelque chose de particulier, ce comme l'ancien, ou alors est-ce juste une stratégie de pouvoir? Évidemment, il y a un goût pour l'art. Il y a aussi, on va dire, l'ère du temps. L'ère du temps, c'est aussi cette redécouverte de l'antique, parce qu'il n'est pas simplement un grand commanditaire qui commande à des peintres et des artistes, plus globalement, florentins et non, toscans et non, mais aussi, il engage cette fabuleuse collection d'antiques, objets, la collection même dans son entier est un objet de prestige et ce qu'on appelle un symbole d'un statut social élitiste. Voilà, donc il développe une collection majeure avec de l'art venu de l'Antiquité. Il recherche aussi des manuscrits, c'est toujours très intéressant. Il recherche aussi des manuscrits, il lance dans le cercle des Médicis, il y a des intellectuels extrêmement importants qui sont lancés à la recherche de manuscrits de l'Antiquité, des transcriptions qui sont retrouvées. Et donc, grâce à l'action aussi des Médicis, des premiers Médicis, on retrouve des textes de l'Antiquité, des textes littéraires, historiques, qui sont retranscrits, traduits en latin, dans un premier moment. Et donc, il y a effectivement, ça vient alimenter fortement qui est effectivement un vrai trait de cette période, cette redécouverte de l'antique, mais qui va également, d'une certaine manière, cet éloge de l'antiquité classique va mettre un nombre, va jeter un nombre un peu aujourd'hui difficile à gérer, qui est l'ombre sous le Moyen-Âge. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que... Comme des années obscures. Le tournant est là, il y a une construction, alors, par la recherche de l'Antiquité, pour dire oublions la période d'où nous sortons, qui n'a pas encore de nom, nous appelons aujourd'hui le Moyen-Âge. Et puis, en parallèle de cette recherche d'objets venus de l'Antiquité, de statues notamment, de manuscrits, il y a des commandes aux artistes. Ouais. Et ça, c'est aussi une démarche intéressante. Pourquoi, comme l'ancien, nous sommes au XIVe siècle, dans la République florentine, Florence est une république, pourquoi, comme l'ancien, qui veut s'imposer au pouvoir, commande aux artistes? Quel est son objectif? Alors, évidemment, son objectif, c'est aussi une question de prestige. De prestige social, culturel, économique. Et ces commandes, on peut parler de cette chapelle merveilleuse au palais Médicis, de la Via Larga, c'est-à-dire ce palais qui se trouve donc un peu à l'écart du palazzo de la, du palais de la Seigneurie, mais qui est dans la, on va dire, dans ce fief médicien que le quartier de San Lorenzo, San Laurent. Il y a cette chapelle magnifique où on consacre donc les peintures de Benozzo Gozzoli à donc au voyage des mages, en sachant que il fait partie comme l'ancien d'une de la confrérie des rois mages, donc qui est une confrérie religieuse bien évidemment, mais qui est aussi un endroit où on se retrouve. On se retrouve et que des membres prestigieux de la ville se retrouvent. Et il déploie donc cette fresque magnifique et chatoyante dans laquelle, au-delà du récit néo-testamentaire, évidemment, il insère tous les portraits de sa famille, mais aussi de ses fidèles. Voilà. Donc, c'est une véritable... c'est un affichage et une déclaration de puissance. Et qui est très efficace. Pour illustrer votre propos, Antonella Fenech-Croc, je vous propose d'écouter un extrait de la série Les Médicis, Maîtres de Florence. Donc c'est une série d'aujourd'hui, là, de maintenant, extrêmement contemporaine et qui pourtant évoque ce que vous venez d'évoquer. Quand on demande de la famille des Médicis se balade et regarde dans les palais les tableaux, ils sont étonnés car en vérité, en regardant les rois mages, c'est un portrait de famille. Lorenzo ? Oui, grand-mère ? Viens, j'ai une chose à te montrer. Ces tableaux sont magnifiques. Sur ces panneaux, on y voit les rois mages se rendant à Bethléem après la naissance de Jésus. Les reconnais-tu, ces mages ? Oh, mais c'est mon père. Et derrière, il y a grand-père. Chevauchant la mule de ton arrière-grand-père. Mais ils ne sont pas allés à Bethléem. Je ne comprends pas. Le peintre a voulu montrer que notre famille est au service de Dieu, comme les rois mages l'ont été. Et maintenant, regarde qui est à leur tête. On dirait que c'est moi. Un jour, c'est toi qui nous guideras. Comme ton père guide notre famille et comme son propre père l'a fait avant lui. Un extrait de la série Les Médicis où nous entendons donc que dans cette scène de rois mages hein, que nous imaginons très très bien, bah, les portraits des rois et puis des gens qui entourent l'enfant Jésus sont en fait soit des membres, soit des proches de la famille Médicis. Et dans l'extrait, il est dit « le peintre a voulu montrer ». Alors est-ce vraiment le peintre qui veut montrer cela ? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt une commande venue de ceux qui accèdent au pouvoir à Florence, c'est-à-dire les Médicis ? Absolument, il faut toujours penser qu'au moins à cette hauteur chronologique, on travaille, il y a une triade, trois figures qui jouent dans la question de la commande. Il y a le commanditaire, souvent un conseiller, c'est ce qu'on appelle en histoire de l'art un conseiller iconographique, qui élabore un programme iconographique. C'est souvent un homme de lettres, un polygraphe, un historien. Et évidemment l'artiste, ou les artistes, parce que souvent c'est des équipes d'artistes menées par un artiste principal, c'est des ateliers, les bottegues. Donc on peut imaginer, on a des documents postérieurs, on pourra peut-être en parler dans le cas pour des œuvres du XVIe siècle, on a des documents, des sources qui nous indiquent ces échanges, les accords et les désaccords, ce que le commanditaire veut, comment orienter cela et le transformer, l'exprimer dans un document qui est un document visuel. Et donc, c'est pas le peintre qui a voulu, évidemment, portraiturer toute la famille Médicis et tous les réseaux des relations politiques, financières, médicènes dans ces portraits, mais c'est plutôt une volonté, évidemment, médicène et de Côme en particulier. Et puis dans ce contexte qui nous intéresse d'une république florentine, il est difficile pour les Médicis de se dire je vais rester au pouvoir et faire presque une dynastie de pouvoir à l'intérieur d'une république. C'est une question qui est toujours intéressante de se dire comment reste-t-on au pouvoir, comment gouverner. Le choix des arts est essentiel, nous le voyons bien chez les Médicis. Dans l'histoire des Médicis, il y a, il faut le souligner un tout petit peu, une rupture hein, dans le premier tiers du XVIe siècle, c'est-à-dire que les Médicis, en fait, réussissent par des alliances qu'il n'est pas nécessaire de développer, mais notamment avec Charles Quint, à s'inscrire dans la ville. Cette période est très importante. Ça change complètement le rapport des Médicis avec le pouvoir. Maintenant, ils sont ducs. Absolument. Donc, c'est un processus, vous l'avez dit, un peu complexe d'un point de vue historique, qui est, ça serait trop compliqué d'expliquer, mais suite à la mort de Laurent le Magnifique, donc en 1492, il y a une série de bouleversements et internes. Il y a l'instauration de cette république oligarchique guidée par Soderini et un affrontement avec les Médicis. Un affrontement avec les Médicis qui, on va dire, commence à avoir des ambitions politiques et institutionnelles. Et c'est au début du XVIe siècle qu'ils sont à deux reprises exilés. Et à un certain moment, suite, on va dire, pour faire simple, suite au sac de Rome, parce que pendant cette période, je fais une parenthèse, pendant cette première moitié du début du XVIe siècle, les Médicis arrivent au pouvoir et un pouvoir on ne peut plus élever. Ils deviennent papes. Il y a deux papes Médicis, Léon X et Clément VII. Et donc, c'est au cours de ces deux papautés que les Médicis sont exilés, ils retournent, etc. Mais lorsqu'il y a le sac de Rome, et donc le Charles Quint veut être couronné par le pape Clément VII, au siècle Jules des Médicis, et il obtient ce couronnement à Bologne, mais en échange, le pape demande que... Les Médicis rentrent à Florence, qui prennent le pouvoir, et ils demandent que le premier duc de Florence soit son propre fils illégitime, Alexandre, qui est couronné par Charles Quint, donc il devient le premier duc. Et donc, ça s'ouvre, cela ouvre une nouvelle page de l'histoire florentine et médicienne également. Voilà, nous sommes dans les années 1530, et les Médicis qui sont maintenant depuis, à peu près un siècle, déjà bien insérés dans le pouvoir à Florence et même au sommet du pouvoir, maintenant deviennent ducs de Florence après avoir subi plein de tracas. Ils ont quand même été exilés deux fois, vous nous l'avez dit, Antonella Fenech-Croc. Mais dans la politique artistique, pour ça que voilà, le contexte nous l'évoquons, mais ce qui nous intéresse c'est la politique artistique, nous voyons quand même des choses continuer. Et ce qui est remarquable notamment, c'est une politique artistique qui est destiné à magnifier celui qui est au pouvoir, le prince bien sûr, mais toujours en lien avec le peuple. La politique des Médicis est en lien avec le peuple, je pense notamment aux bibliothèques ouvertes au public, je pense notamment au palais ouvert au public. Il y a ce dialogue à travers l'art qui se construit entre les Médicis et le peuple. Absolument, d'une certaine manière. Et je pense, cela me fait penser par exemple, et là on revient dans le temps à Laurent, les collections à Laurent et à Michel-Ange par exemple, les collections qui étaient d'antiques, qui étaient exposées souvent dans les jardins, étaient entre guillemets à disposition des artistes qui venaient les étudier, les dessiner, les reproduire. Et c'est selon les récits qu'en fait Vasari, donc qui est l'auteur des biographies d'un ouvrage fondamental, des vies des artistes entre Giotto et Michel-Ange dans la première édition et dans la deuxième entre Giotto et son propre temps, donc le milieu, les années 60 du XVIIe siècle. Donc, il raconte que, justement, le jeune Michel-Ange suit, il est âgé de plus ou moins 14 ans, il suit d'autres artistes qui viennent étudier dans les jardins médicéens, donc les collections des Médicis, et il sculpte sa première œuvre, qui est un faune, la tête d'un faune à l'antique, donc il la sculpte à l'antique, ce qui surprend énormément Laurent le Magnifique, et on nous dit que Laurent, pris de sympathie et d'admiration pour cet adolescent, demande au père de Michel-Ange de pouvoir l'intégrer dans sa propre famille comme son propre fils. Et donc, il rentre et il dit qu'il partage la table avec Michel-Ange, adolescent. Là aussi, c'est probablement un récit qui est un peu trafiqué d'une certaine manière, mais qui sert une cause. Parce qu'au moment où ces récits écrits, Michel-Ange est une figure indépassable et c'est un Florentin et c'est la preuve que les arts de Florentine sont les arts florentins pardon sont l'apogée et des productions artistiques italiennes péninsulaires. Il n'y a pas d'Italie encore, on va dire politiquement péninsulaires mais aussi européennes. Et d'ailleurs, c'est vrai que nous associons sans cesse Michel-Ange à Florence, mais pas qu'à Florence. Et la relation de Michel-Ange à Florence est extrêmement intéressante, parce qu'elle est complexe. Elle est complexe du point de vue politique déjà. Nous l'avons évoqué, hein, les Médicis s'incrustent au pouvoir, mais c'est une république et c'est vrai qu'il y a des tensions familiales. Ils sont plusieurs fois chassés et puis ils arrivent à s'imposer, notamment avec des soutiens extérieurs, et ils deviennent ducs. Antonella Fenech-Roch, Michel-Ange dans cette histoire est un artiste, bien sûr, mais il n'est pas seulement artiste, c'est-à-dire qu'il a des engagements politiques qui perturbent sa relation avec les Médicis. Oui, Michel-Ange, en effet, il travaille beaucoup pour la seigneurie, pour Soderini en particulier, donc au début du siècle, la grande œuvre, les David de Michel-Ange, qui est commandé, qui est installé, on va pas dire parler de la commande, mais qui est installé donc devant le palais de la Seigneurie. Ensuite, cette commande pour la salle du Grand Conseil, qui est donnée presque en même temps, 1503, 1504, 1503 à Léonard et 1504 à Michel-Ange, de peindre dans chacune des parois, donc deux batailles fondatrices. Fondatrice pour le pouvoir républicain florentin. Mais au bout d'un moment, Michel-Ange part à Rome. Donc il part à Rome et il ne revient que dans les années 30 à Florence pour quitter définitivement Florence en 1536. C'est-à-dire Michel-Ange a des sympathies républicaines. Et pour différentes raisons, il affronte jamais frontalement les Médicis, mais il se tient loin de sa propre patrie pendant très longtemps, même si et donc il s'installe à Rome, comme on le sait, il travaille pour les papes en particulier, entre autres, Florence reste en ligne de mire, mais il ne revient pas. Il ne revient pas malgré les très nombreuses lettres et invitations que notamment le deuxième duc de Florence, qui est un personnage extrêmement important, qui est comme premier des Médicis, l'invite à plusieurs reprises. Michel-Ange est déjà, on peut dire, une figure légendaire de son vivant. Et même très tôt. Figure légendaire de son vivant, ce Florentin qui est parti à Rome, qui est par la chapelle Sixtine, qui peint tant de chefs-d'œuvre et qui en sculpte également. Antonella Fenech-Roch, vous nous dites qu'il ne voulait plus revenir à Florence, là où le duc Côme Ier l'appelait. Il y revient malgré tout à Florence. Alors, ça, c'est une histoire qui est assez passionnante. Parce que le problème, c'était qu'il ne voulait pas revenir, mais très tard, Michel-Ange vit très longtemps, lors de sa mort, donc en 1564, il meurt à Rome. Il meurt à Rome, ce qui était, d'une certaine manière, on suivait sa santé par des échanges épistolaires, et on avait une sorte de go-between, qui était son neveu Leonardo Buonarroti, qui donnait des informations sur la santé de Michel-Ange à Florence et qui se rendait à Rome pour suivre les affaires. Et il meurt. Et effectivement, on fait un récit très, très, très étonnant, parfois un peu drôle, de comment on fait la translation, j'utilise un terme religieux presque, parce qu'il est devenu presque un saint, de Rome à Florence. Et si vous voulez, je peux vous lire un passage. Allez-y. Alors, en italien ou en français? Allez-y en italien, ce sera joli, et puis vous nous traduirez après. Fu con onoratissime seque e col concorso di tutta l'arte e di tutti gli amici suoi e della nazione fiorentina, dato sepoltura a Michelagnolo, in santo apostolo in un deposito nel cospetto di tutta Roma. Avendo disegnato sua santità di farne far particolar memoria e sepoltura in San Pietro di Roma. Arrivò Leonardo, suo nipote, qu'era finita ogni cosa, quantunque andasse in poste. Et avuto un avviso il duca Cosimo, il quale aveva disegnato che, poiché non l'aveva potuto aver vivo et onorarlo, di farlo venire a Firenze e non restare con ogni sorta di pompa a onorarlo dopo la morte. Fu ad uso di mercanzia mandato in una balla segretamente, il quale modo si tenne a ciò in Roma non s'avesse a far rumore e forse essere impedito il corpo di Michelagnolo e non lasciato condurlo à Firenze. Alors, ce qui se passe? Alors, ce qui se passe déjà, c'est que Antonella Fenech-Rock, habituellement, à ce moment de l'émission, avec Milena Eli qui réalise le cours de l'histoire, aujourd'hui à la technique, c'est Michael Simon, nous décidons de passer un moment musical. Sauf que là, cette lecture en italien et cette langue sublime vaut tous les moments musicaux. Quel est ce texte? Il vient d'où? C'est quoi? Il vient d'où? C'est Vasari, dans la biographie de l'artiste de 1568. Qui raconte comment la dépouille de Michel-Ange devient un enjeu politique. Donc le pape compte le fait. On a une cérémonie des obsèques rapides dans l'église Saint-Apostole à Rome, et ensuite le pape pense faire un monument funéraire à Saint-Pierre de Rome. Mais Léonard Bonarotti arrive. Il est envoyé plutôt. Comme premier, et il trafugue le corps. Et la chose qui est intéressante, il dit, il est transporté comme une de la marchandise. Il est emballé, on dit, dans un tapis, et transporté par charrette jusqu'à un secret. Il insiste sur les secrets parce qu'on voulait peut-être empêcher que le corps de Michel-Ange quitte Rome pour le faire arriver à Florence. Et à Florence, au moment où le corps arrive, il est déposé dans l'église de Santa Croce, c'est toujours un secret. Il y a quelque chose qui se passe, les gens sortent, toujours dans ces récits, les gens sortent de leur maison en pleine nuit, ils savent que Michel-Ange est à Florence, il est revenu, et quand on ouvre cet emballage et le cercueil dans lequel on l'avait placé, après tant de jours, le corps de Michel-Ange n'est pas en train de subir la décomposition. Donc ça, c'est un odeur de sainteté, c'est-à-dire c'est typique des récits hagiographiques. C'est magnifique cette translation du corps de Michel-Ange depuis Rome jusqu'à Florence. Il ne voulait pas y retourner. Ben, on l'y a ramené avec ce lien étroit, nous l'entendons dans ce que vous nous racontez, Antonella Fenech-Rock, entre l'artiste et le prince, donc un lien presque d'amitié. Et là, avec Michel-Ange, on a une vraie amitié qui se double aussi d'une nécessité d'avoir l'artiste avec soi dans une politique artistique. Le mot est anachronique sans doute. Vous faites la réponse. Mais est-ce que pour les Médicis, on peut avancer cette notion? Il y a une volonté de mettre en place une politique artistique. Oui, la politique artistique, de manière programmatique, je veux dire, donc on peut parler de politique artistique avec comme premier des Médicis. Donc là, nous sommes un peu plus tard, nous sommes au XVIe siècle. Ouais. Voilà, XVIe siècle, et cette fois-ci, c'est un Médicis qui est duc. Donc nous avons un duc comme donc premier. Donc il est élu, justement, c'est un point très important dans l'histoire, il est élu. Et il n'est pas couronné duc directement, mais il est élu capo e primario del governo, c'est-à-dire un primus inter pares, c'est-à-dire il est le chef de cet état, mais progressivement, évidemment, il est couronné duc, notamment par des questions d'alliance, par des questions d'alliance avec les Habsbourg, évidemment. Charles Quint en particulier. Et donc lui, vous dites, comme premier, a une vraie programmation culturelle. Il imagine comment mettre en place toute une structure, alors qui vient de lui, de l'État, pour asseoir son pouvoir. Oui, et la première chose qu'il fait, dès qu'il vraiment lors des premières années, tout de suite après son mariage de 1539, il déménage. Première chose, un déménagement, donc il quitte le palais familial de la Via Larga, donc le palais Médicis dont on parlait tout à l'heure, et il va s'installer au palais de la seigneurie, qui est les sièges pluriséculiers du pouvoir de la seigneurie, donc justement. Et il décide justement de s'inscrire, de ne pas violenter les âmes, comme on aurait dit à cette époque, on l'a écrit même. Il décide de garder l'enveloppe extérieure médiévale du palais de la seigneurie, mais de réaménager l'ensemble. Et à partir donc des années 50, et sous la conduite de Vasari, qui est aussi un peintre, outre qu'un historiographe, il réaménage et décore la totalité du palais avec des équipes nombreuses. Et il fait aménager deux appartements superposés qui sont dédiés, dont chaque salle, c'est des appartements de représentation, pas des appartements privés, où au deuxième étage sont représentées, chaque salle est consacrée à une divinité de l'Olympe, selon la généalogie des divinités olympiennes, et au premier étage, cet appartement qui est dédié à Léon X, premier pape Médicis, chaque salle est dédiée à l'un des membres de la famille Médicis, comme l'ancien Laurent le Magnifique, Giovanni delle Bandenere, Jean des Bandes Noires, le père condottiere célébrissime, le père de Combe Ier, et Clément VII et Léon X. Donc, avec une correspondance entre une divinité et un Médicis. Donc, et tout ça servi par des peintures extrêmement complexes et richissimes, des plafonds peints, des voûtes peintes, par Vasari et ses équipes. Et là, on vient à l'importance du programme iconographique, c'est-à-dire de cette figure du conseiller qui met en place une pensée visuelle, on va dire. Moi, j'ai du mal à utiliser les sens de message, mais le sens de ces décors. Quel doit être le sens de ces décors ? Le sens de ces décors et de cette correspondance entre divinité olympienne et Médicis, c'est d'une certaine manière, la légitimation du pouvoir de Combe Ier, qui est acquis suite à une suite de circonstances, parce que lui, il fait partie de la branche cadette des Médicis, et la légitimation de son élection, donc on insiste beaucoup sur l'élection, la divinisation des Médicis, leur prédestination également, et leur vertu, leur qualité, donc de princes, comme on peut en voir dans les Specula Principis, donc dans les miroirs des princes, dans cette littérature très importante. Et donc on met en place un véritable écrin dans lequel on comprend qu'est-ce que c'est ce nouvel État qui est un passe, on va dire, on met en branle la construction de cet État. Et ce qui est passionnant à étudier avec les Médicis, c'est qu'au XVe siècle, sous la République de Florence, Combe l'Ancien met en place une relation privilégiée avec les artistes. Il utilise les arts pour asseoir son pouvoir. Et qu'un siècle plus tard, au XVIe siècle, avec le duc Combe Ier, cette fois-ci, il y a vraiment une réflexion. Je ne sais pas si Combe Ier était aussi proche personnellement des artistes ou s'il avait juste une volonté politique. Ce qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est de bien montrer que l'art que nous évoquons n'est pas simplement de l'art iconographique. Il y a aussi les poètes, il y a aussi les musiciens. Antonella Fenech-Krog, vous nous avez demandé de passer une musique aujourd'hui parce que vous avez envie de la commenter. Nous l'écoutons. Flora, dans le cours de l'histoire sur France Culture. Nous sommes à Florence, Firenze. Antonella Fenech-Roch, qu'est-ce que nous venons d'entendre? Alors là, c'est un intermède. Et c'est une pratique qui se développe énormément à Florence. Et dans des spectacles de théâtre qui sont donnés, notamment à l'occasion des noces du prince. Donc les noces de 1539 de Compremier avec Éléonore de Tolède, ensuite de François Ier, donc son fils, avec Jean d'Autriche, et en 89, c'est trois moments importants, mais il y a d'autres à citer, donc en 89 avec Ferdinand des Médicis et donc Christine de Lorraine. À cette occasion, les festivités sont immenses. Festivités qui sont évidemment des banquets, mais aussi les entrées triomphales, les joyeux entrées de l'épouse donc à Florence, qui impliquent aussi des cortèges avec des chars, des personnifications, des divinités. Tout cela est mis en place et toujours par les mêmes personnages, ces conseillers iconographiques, ces éminences grises qui construisent le sens de ces festivités, mais les artistes, les mêmes artistes qui peignent des fresques, qui sculptent, et que dont on a le nom, Vasari, Bonzino, Allori et bien d'autres, tous ces artistes participent activement à la réalisation de ces machineries, de ces décors, de ces chars de triomphe, et également les musiciens qui créent donc à l'occasion, les musiciens et les hommes de lettres qui créent à l'occasion de ces mariages qui durent donc dont les festivités durent des mois. Oui, c'est un mariage qui dure plusieurs mois. Faut imaginer, en plus, dans ce que peut être Florence, dans le 15e et plutôt 16e siècle, ce que ça peut représenter comme mariage. Ce n'est pas une ville gigantesque. Aujourd'hui encore, nous traversons Florence à pied en quelques heures. Donc, on devait vivre dans ce mariage sans cesse, même si on n'était pas invité. On voyait toujours ces festivités. Exactement. Et, on va dire, le peuple, comme on peut l'appeler, les gens, les citoyens florentins pouvaient absolument assister à une partie de ces festivités, mais également faisaient venir énormément de monde. Pour le mariage de 89, on a 1490 invités à environ, dont une partie est remboursée du voyage et qui reste plusieurs jours. Donc c'est véritablement des événements extrêmement importants. C'est des événements qui sont pas considérés comme des réjouissances locales, mais c'est une marque qui est une marque de pouvoir qui est diffusée dans l'Europe entière, parce que à chaque mariage, à chaque manifestation, à chaque pièce de théâtre qui est créée, des comédies qui sont créées, ou à chaque intermède qui est créé, correspond, on va dire, une diffusion. En même temps que le mariage a lieu et que les festivités ont lieu, sont publiées les célèbres descriptions qui sont publiées au moment même où l'événement a lieu et sont diffusées dans l'Europe entière pour montrer cette magnificence absolue et donc qui frappe évidemment et qui frappe les esprits ailleurs qu'à Florence, qui évidemment place les Médicis à côté des grandes maisons régnantes européennes. Et par ailleurs, ces occasions-là, donc ces festivités, mais on pourrait en rajouter d'autres, des baptêmes, des visites d'ambassadeurs, des visites de princes, il y a aussi on va dire, des expérimentations extrêmement intéressantes qui sont menées par des architectes, par les artistes peintres, par les sculpteurs, sur, par exemple, le théâtre. Ce qui est les théâtres, même la forme architecturale du théâtre moderne, de nos théâtres, a été élaborée au cours de ces années, à la cour Médicis, comme ailleurs en Italie. Et c'est un premier théâtre était démontable, était construit dans la salle du Grand Conseil, et ensuite dans les offices, dans les musées. Donc c'est lui qui est devenu aujourd'hui les offices, comme grande institution muséale. Il y avait un théâtre qui a servi jusqu'au XVIIe siècle, à l'intérieur duquel on donnait la comédie, mais il y avait ces intermèdes musicaux qui permettaient le changement de la scénographie, du fond de scène, et c'est... des changements rapides, donc l'invention de systèmes technologiques, des technologies du propre théâtre, qui sont élaborées au cours de ce moment de l'histoire. Ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire aujourd'hui, c'est gouverner par les arts. Et en vous écoutant, Antonella Fenech-Roch a nous parlé des Médicis. Oui, bien sûr, c'est de l'art, mais c'est aussi de l'économie, c'est aussi de l'histoire sociale, parce qu'il y a ces relations de réseau, ces relations humaines. Et puis, il y a de l'histoire des idées. Quand nous parlons de Florence, des Médicis, et puis de toute cette réflexion sur l'art du pouvoir, évidemment, un nom surgit, c'est celui de Machiavel. Je vous propose une lecture d'un extrait des histoires florentines de Machiavel. Donc là, nous sommes dans les années 1525, enfin dans ces années 1520, c'est-à-dire juste avant que les Médicis deviennent ducs. Eh bien, Machiavel réfléchit à l'utilisation du pouvoir par Laurent de Médicis. Laurent de Médicis songea ensuite à rendre sa cité plus grande et plus belle. Comme elle renfermait beaucoup d'espaces dépourvus d'habitation, il fit tracer sur ses terrains de nouvelles rues pour y construire des bâtiments, ce qui la rendit plus belle et plus grande. Grâce à lui, la ville, chaque fois qu'elle n'était pas en guerre, était perpétuellement en fête, assistant à des tournois, à des cortèges où l'on représentait des événements et les hauts faits de l'Antiquité. Son but était de maintenir l'abondance dans la patrie, l'union parmi le peuple, et de voir la noblesse honorée. Il chérissait et s'attachait tous ceux qui excellaient dans les arts. Il protégeait les gens de lettres. Laurent faisait surtout ses délices de la musique, de l'architecture, de la poésie. Olivier Martineau qui nous lisait un extrait des histoires florentines de Machiavel au début du XVIe siècle. Machiavel, évidemment, réflexion sur le pouvoir et nous pensons au prince. Comment était perçue, dites-nous Antonella Fenech-Roch, cette utilisation du pouvoir pour de l'art pour asseoir ce pouvoir? Machiavel un regard très particulier sur les Médicis et nous sentons bien que les autres familles ou les républicains de Florence ne supportent pas ces Médicis. En fait, ils sont écrasés par l'occupation, ne serait-ce que visuelle, dans les rues, sur les bâtiments, n'importe où, de la présence des Médicis. Oui, ils sont, je dirais pas écrasés, parce que ceux qui se sentaient écrasés, surtout un peu plus tard dans le siècle, ils étaient bannis, tout simplement. Donc, au moins, c'était réglé. Je veux dire, c'était une... à l'époque de Laurent, ce n'est pas exactement la même chose, mais il n'y a pas aussi cette incidence, cette visibilité accrue des Médicis, c'est-à-dire des symboles et des signes, des marques médicènes dans la ville. Ce qui se passerait plus tard, parce que dans ce texte, Machiavel dit une chose intéressante, c'est la question de unifier la ville. Unifier la ville est la leçon de Machiavel, très important pour surtout au premier lors de la première partie du règne du premier duc de Florence, qui écoute beaucoup et je pense lit beaucoup Machiavel, c'est justement de créer, fonder un État, de l'unifier et de disperser ces signes. Et parmi ces signes, par exemple, si on part des arts, c'est une pratique qui est très particulière en Italie et à Florence aussi, dans un laps de temps très restreint, c'est la pratique de peindre les façades des palais. Moi, j'étudie pas en particulier le cas de Florence, mais pas uniquement, mais Florence est particulière dans le sens où ces façades sont pas très visibles. Vous voyez les ruelles florentines, il faut vraiment se mettre dans un... Il n'y a pas de perspective nécessairement et d'éloignement nécessaire pour le voir. Cependant, ces façades, dans certains, sont peintes à des moments particuliers du XVIe siècle, parce qu'au XVIIe, ça se termine, cette mode, je dirais, pour marquer le territoire urbain de quelque chose. Et en étudiant les différents cas, on se rend compte qu'il s'agit de membres de la cour, qui ne pouvant pas vivre à court, parce que le palais de la seigneurie est trop petit, montrent ostensiblement leur alliance et leur allégeance au prince. Par les arts. Par les arts, par des merveilleuses façades peintes ou réalisées avec une autre technique qui s'appelle le graffito. Eh bien, justement, hein,

C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrens et Maïwenn Guizhou, à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast pour la balado-diffusion. Et demain, nous sommes en direct de Blois, Châles, Banjo, Hamac, le magasin du monde est ouvert. Oui, en direct des rendez-vous de l'histoire de Blois, nous allons faire un inventaire parce que tous ces objets racontent une histoire à travers leur processus de fabrication, leur usage, leur circulation et l'appropriation qui en est faite. Rendez-vous demain à Blois.